André qui s'est engagé, je vous retrouve. Est-ce qu'on est alarmiste quand à chaque fois on revient pour marteler véritablement un complot contre la RC? Est-ce que ça fait pas trop? Est-ce que ça fait pas trop pour un seul pays? Il y avait une grosse mobilisation militaire de la France à sa frontière, je crois, nord, avec le Tchad, et on y voyait une véritable dynamique là de déstabilisation mise en place cette fois-là par l'armée française. Aujourd'hui, on nous annonce un individu qui serait bien entendu armé pour venir véritablement s'aimer. Passez-moi le mot du bordel du côté de la République centrafricaine. Fabrice, si vous étiez justement là aux journées de solidarité à l'hôtel Beau Séjour du côté de Douala, quand les panafricains ont décidé de soutenir publiquement la République sœur du Tchad. Et pendant ma prise de parole, j'avais émis un vœu et une prière. La pierre qu'ont négligé les bâtisseurs était devenue la principale de l'angle. La pierre qu'avaient rejeté les bâtisseurs était devenue la principale de l'angle. Le Centrafrique, comme l'indique bien son nom, est le centre de l'Afrique. Le Centrafrique, le centre de l'Afrique. Et si le Centrafrique, de manière comme ça, lecture simple, n'est-ce pas, du mot et de son nom qu'il porte, le centre de l'Afrique, ça veut dire qu'il y a une importance géopolitique, géostratégique, géoéconomique, géopolitique mondiale dans ce pays-là. Et si le Centrafrique est convoité, ça veut dire qu'il y a des choses dans ce pays qui, justement, il faut véritablement que ce pays reste dans le désordre, parce que en réalité, on a des spécialistes de la pêche en eau trouble. On a des spécialistes de la pêche en eau trouble. Et les spécialistes de la pêche en eau trouble, c'est l'Occident, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne. Les spécialistes de la pêche en eau trouble. Parce que le système pompier pyromane pompier a toujours existé concernant ce pays qu'on appelle le Centrafrique. Et suivez mon regard, ce qui se passe au Soudan n'est pas anodin. Absolument. Parce que pour vite déstabiliser un pays qu'on appelle le Centrafrique, il faut que le Soudan soit déstabilisé. Il faut que le Soudan ne soit pas stable. Parce qu'on sait qu'à partir du Soudan, on peut fabriquer rapidement une rébellion. À partir du Soudan, on peut pénétrer facilement le Centrafrique. Parce que quand même, on a pris des dispositions du côté du Tchad. Vous savez que c'était l'un des passoires entre l'État centrafricain et l'État tchadien, où la plupart des rébellions... D'ailleurs, l'un des rebelles les plus connus, bon, je ne connais pas celui que vous appelez... Abibali Reka. Je ne le connais pas. Je connais le rebelle François Bozizé, qui était récemment au Tchad. Au moins, celui-là est connu, ancien général d'armée et tout ça, et ancien président de la République de Centrafrique, qui a donné à Mondiovision ces idées de déstabilisation que nous connaissons tous. Mais vous savez, quand on prépare la guerre, quand on prépare certaines choses, on vous sort des noms comme ça. On vous dit déjà comment il a 4000 hommes. Il a pris ça où? Est-ce que finalement, ce n'est pas du chantage pour faire? Mais écoutez, c'est simplement du chantage. C'est une préparation psychologique. Mm-hmm. Okay, non, la guerre va bientôt éclater. Alors que on sait que les factes, par exemple, qui ont tué Idriss Déby, soi-disant, mm-hmm, se cachaient des mercenaires français. Des légionnaires. Des légionnaires français étaient, mm-hmm, dans le FAC. Mm-hmm. Et monsieur, le maréchal du Tchad était pucé. C'est-à-dire, à partir de la puce qu'on avait mise sur le maréchal, le général, c'est-à-dire le tireur d'élite, à peu importe la distance, ne pouvait pas le louper. Peu importe la position où il se trouvait. Donc, c'est une préparation, c'est une construction. En réalité, on a compris le jeu de dupe de l'Occident. Pour faire la guerre dans un État, on ne vient pas directement avec les armes. En fait, pour tuer toi des rapaciers, c'est ça l'objectif. Là, ce n'est pas de faire la guerre au Centrafricain ou bien de recréer encore une guerre en Centrafrique. Non. il faut absolument éliminer le président Faustin Archange Touadéra. C'est ça l'objectif. Ils en ont tenté. Il a raté plusieurs coups d'État. Nous le savons tous. Vous connaissez la dernière brouille avec... Les militaires de la MINUSMA. De la MINUSMA. De la MINUSCA, pardon. La MINUSCA, voilà. Vous comprenez qu'en réalité, il y a une construction. C'est que le fougueux, le dynamique, l'excellent professeur Archange Touadéra a apporté une nouvelle dynamique parce que on n'avait jamais vu, il n'y a jamais eu d'élection en Centrafrique qui s'est bien terminée et qu'un mandat a commencé et un autre est en train de se terminer dans la paix et la tranquillité, sans que les Centrafricains ne prennent les armes, sans que les Centrafricains ne revendiquent ou bien ne sortent dans la rue. Donc on voit une gouvernance claire. On voit une gouvernance objective. On voit les perspectives de la progression ou bien de l'émergence ou bien de l'envie d'émerger du Centrafrique. Et ça ne plaît pas à ceux qui avaient mis l'embargo sur l'État centrafricain. Embargo à tous les niveaux. Et tout à l'heure, Bertrand parlait de la mise en place d'une armée nation. Quand on sait que le président se plaint davantage de cet embargo sur les armes, comment va-t-on faire pour parvenir notamment à la mise en place de cette armée nation qui sera elle aussi équipée à la même, peut-être au-delà de l'équipement dont dispose la rébellion, alors les rebelles aujourd'hui? Vous savez, c'est pour ça que nous sommes sur vos plateaux. Pour justement dénoncer ces complots. Pour dénoncer cette façon de faire. Vous ne pouvez pas. Ah, d'ailleurs, le premier sujet vient de finir. Le sujet d'accueil vient de finir sur les droits de l'homme. On n'a jamais vu un pays qui n'a pas d'armes et l'Union européenne envoie des formateurs et de l'Union européenne former les FACA en Centrafrique. Et leur arme de formation, c'est les bâtons. Pour une armée régulière d'un État qui doit défendre un territoire contre une rébellion hyper armée. Mais l'Union européenne et ses formateurs viennent en Centrafrique former les FACA avec les bâtons. Je me pose la question, est-ce que l'armée centrafricaine sont devenus des chasseurs de rats, des hérissons, ou bien c'est eux qui doivent défendre le territoire centrafricain? Quand vous allez encore plus loin, vous allez retrouver que il y avait des lois qui étaient installées en Centrafrique où on vous dit, si vous creusez à plus de 15 mètres de profondeur au Centrafrique, vous venez de violer le territoire français. Donc vous comprenez qu'en réalité, on est dans une logique où on a tout refusé au Centrafrique. Maintenant qu'il y a un homme qui dit à son peuple que vraiment, on nous a longtemps trompés, on nous a longtemps bernés. Maintenant nous allons construire notre pays. Nous allons chercher des partenaires qui sont capables de nous amener plus loin. Ou vous vous rendez compte que des Centrafricains se nourraient avec des feuilles de baobab, les feuilles de je ne sais pas quoi. Les feuilles d'olivier, les feuilles de prunier, les feuilles... En fait, tout ce qu'ils trouvaient comme feuilles, ils mangeaient. Parce qu'il y avait la famine. Mais aujourd'hui, que quand même, on essaye de faire des efforts pour que le Centrafricain se sente digne. Mais posons-nous la question, comment est-ce possible que la croissance centrafricaine a été retardée et même sa croissance en matière de population a été retardée parce qu'un territoire aussi grand, qui n'a que 6 millions de population, ça veut dire qu'il y a eu génocide. D'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, ça me fait penser à une mine qui a été laissée en radioactif au niveau de la Centrafrique. Exploitation de Areva, qui est devenue Orano aujourd'hui. Il y a de la radioactivité dans un territoire centrafricain où les Français ont exploité de l'uranium sans reboucher les trous où ils ont exploité ce minerai. Donc, vous comprenez qu'en réalité, aujourd'hui, ces rébellions préparées d'avance, psychologiques, je dis bien sûr, parce que c'est un vaurien, celui que vous nous montrez là, celui qu'on cite le nom, on ne sait pas d'où il sort, d'où il vient, n'est-ce pas? En réalité, c'est un sous-fifre qu'on va porter comme David Dako, on va mettre dans un char, et on va accompagner en pyjama, n'est-ce pas, pour aller prendre le pouvoir, comme à une certaine époque, en Centrafrique. D'accord. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on est dans une construction intelligente, d'une guerre qui se prépare soi-disant, parce que hier et tout à l'heure, Bertrand a su faire le distinguo, n'est-ce pas, entre les rebelles tchadiens qui veulent trouver refuge en Centrafrique, n'est-ce pas? Et des rébellions qui se préparent pour venir déstabiliser la Centrafrique. Donc vous comprenez qu'en réalité, il y a une stratégie qui est mise en place pour asphyxier le Centrafrique, pour essayer de freiner les élans de ce qui est en train de faire se mettre en place dans ce pays-là qui veut son émergence. Nous pensons que nous allons corps et âme défendre ce territoire et défendre le professeur Archange Touadéra. Et nous le disons sur votre plateau. Il est temps de prendre des décisions drastiques. Vraiment, je sais, vous allez poser la question, c'est un pasteur qui demande de prendre des décisions drastiques. Mais il faut savoir aussi que l'Éternel s'appelle l'Éternel des armées. Tout à fait. L'Éternel des armées veut dire que quelqu'un qui a une armée. Et une armée, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la guerre. Merci, merci à vous, André Christophe Fangapé. Afrique Média, le monde, c'est nous.